cette semaine à CNX. Une compilation de la deuxième série des Petites Mythologies de Martin Bertrand. Vous en apprendrez plus sur le iPod nanochromatique, Second Life, Homme cherche femme, La presse People, Les mots de Javel et Noël. Et pour la première fois, deux nouvelles capsules, La viande hachée et La pilule du bonheur. L'émission la plus geek de la radio commence maintenant. Bonjour et bienvenue à CNX, émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, émission spéciale. On passe à la deuxième série des Petites Mythologies de Martin Bertrand. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est les Petites Mythologies, mais pour l'instant, en musique, voici Hobbies de la descente du coude à C'est fou 89 FM. Là, du campus de Trois-Rivières. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite, tout bien entendre. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Me confie au silence qui passe. Les mots, tu les mords, tu les sais tour de langue. Le tourbillon de la parole, du sage, universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en dents. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. I gained some convictions in my 20s, hope I never lose my head.

les instants. Je n'ai plus le temps, j'ai plus d'argent. Matrick et Satellite Mind, c'était précédé de Chinatown et Perdre son temps à CNX. Vous êtes dans la compile sur les petites mythologies de Martin Bertrand, série 2. Et on continue avec la deuxième capsule. Voici Second Life. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. Second Life. Lieu de tous les échanges, Second Life est un métavers ou un univers virtuel où se dirigent les utilisateurs afin de troquer leur vie réelle pour une vie numérique. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un jeu, en ce qu'on n'y propose aucune finalité, autre que celle que les utilisateurs y déploient. Le mouvement a pris beaucoup d'ampleur depuis que le concepteur Linden Lab a mis sur le marché ce métavers en 2003. Une des caractéristiques novatrices de ce monde parallèle est qu'il permet une certaine passerelle avec le monde réel. En effet, l'argent électronique dont disposent les utilisateurs, dollar Linden, est échangeable contre de l'argent américain réel. Il s'y est donc développé une économie parallèle et ceux qui le désirent peuvent y acquérir des biens et services réels. Ainsi, depuis quelques années, des universités et centres de formation y ont un pied à terre et les utilisateurs peuvent acquérir, grâce au métavers, un diplôme absolument authentique. Ajoutons qu'on peut y rechercher un emploi et vous aurez une bonne idée des liens réels virtuels que permet ce logiciel. Pour entrer dans l'interface de Second Life, l'utilisateur dispose d'un avatar, c'est-à-dire d'un alter ego virtuel qui lui permet de se déplacer dans l'espace virtuel. Cet alter ego, on peut le créer comme on le désire. Ce qui laisse, entre autres, aux gens complexés par leur physique, le loisir de devenir désirable. Pas étonnant, donc, de constater que certains utilisateurs se transforment en fanatiques et délaissent la réalité au profit du virtuel. Dans ce métavers, l'utilisateur peut donc disposer également d'un territoire qui lui soit propre, avec une maison et tout ce qui vient avec. Donc, il peut jouir de tout ce qui lui fait cruellement défaut dans la réalité et prendre le contrôle sur cette vie, même si la réalité, elle, s'échappe entre ses doigts. Étrange pourtant qu'un monde virtuel qui ne propose rien de réellement extraordinaire, sinon de pouvoir voler, pas de quête, pas de défi, rien qui ne ressemble à un jeu proprement dit, puisse emballer autant de gens. On s'y borne à imiter la réalité en faisant les coins ronds. La vie réelle est-elle si peu emballante? En fait, le virtuel est devenu un refuge avec Second Life. Les gens peuvent y présenter une image d'eux-mêmes qu'ils ont choisie, contrairement à leur corps qui leur est imposé. Cet avatar, ils peuvent l'assumer d'autant plus qu'ils l'ont modelé à un idéal. Les échanges qu'ils ont avec les autres usagers sont facilités par le fait qu'ils leur présentent un idéal du moi exempt de leurs faiblesses. Paradoxalement, dans la réalité, on communique de moins en moins depuis l'avènement de l'ère du cocooning. La place publique se vide et la société est atomisée. Or, l'être humain est un animal social et le vide relationnel pèse tant et si bien que les communautés virtuelles pullulent pour pallier le manque. Pourtant, les échanges sur le net sont factices, du fait même que les usagers ne présentent pas d'eux-mêmes l'authentique, mais un idéal. Sur ces lieux d'échange, on parle donc beaucoup, mais on communique somme toute peu. Les usagers transigent par fantasmes interposés. Ainsi, en mai 2007, un reportage réalisé par une émission d'information allemande, Report Mainz, a soulevé une polémique en Allemagne en montrant un avatar mâle adulte ayant une relation sexuelle avec un avatar d'apparence enfantine. Une enquête de la police allemande en collaboration avec Linden Lab a conduit à la clôture des comptes des deux utilisateurs qui se sont révélés être un homme de 54 ans et une jeune femme de 27 ans. Second Life, de cette manière, devient le lieu de tous les ébats et des relations les plus protéiformes qui n'ont de limites que les travers de l'esprit humain. Car le virtuel permet de laisser libre cours au fantasme à travers son avatar. Les gens peuvent y transcender le réel pour un monde qui devient fantasmatique. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Vous êtes toujours à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Cette semaine, on se fait une compile avec les Petites Mythologies de Martin Bertrand, série 2. Il nous reste encore Homme cherche femme, La Presse People, Les mots de Javel, Noël et pour la première fois à la radio, deux nouvelles capsules, La viande hachée et La pilule du bonheur. Ça s'en vient plus tard, mais pour l'instant, en musique, voici nos amis de Roi Poisson et Croque-Mort. Censément demandé tant, mais depuis, je suis devenu un peu dépendant. À quelque part, je ne pouvais pas en faire autrement. Être croque-mort, c'est vraiment ce qui est le plus passionnant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, huissier, boucher. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, aspirateur. toi pas juste des petits vieux que j'entends. Ça me rend malheureux. Ils ne devraient pas savoir que c'est que pour enfin. Quand j'en vois, je trouve cela bien déprimant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, boucher, huissier. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Mais ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Chose fondée, car à ceux qui espéraient trouver de quoi de mieux, il se peut que la douleur les ramène des cieux. Dash.com. Bonjour, c'est toujours à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Et cette semaine, c'est CNX compile les petites mythologies de Martin Bertrand, série 2. On découvre, redécouvre pour certains, la deuxième série de ses chroniques sur la culture populaire et ce qui la forme, si on veut. Tantôt, on va avoir plusieurs capsules. Il nous reste Homme cherche femme, La presse people, Les mots de Javel, Noël et deux nouvelles capsules pour la première fois à la radio, La viande hachée et La pilule du bonheur. La plus proche de nous, c'est Homme cherche femme dans quelques secondes, minutes. Pour l'instant, voici Slim Twig et Hussies à C'est fou 89.1 FM. Cringing, crying on the doormat, bipping, spitting through the mail slot, dodging bricks, thrown out the window, listening, humbling, little tiptoes, slipping, hiding, climbing higher, up the awning, belly down, shake, poof, kiss me gently, you are bumping without hurry, call me your husband. That makes us two. And it makes us so lucky. Breathing, counting, he came pounding, thrashing, ringing, shook the ceiling, humming on the brass duff boots, close smooth, tinting on the food jar in my bathroom, scrubbing, flashing, on down out the bedroom, laughing, gathered plaything that's a comb, cutting up, and leaving slowly, cringing, crying on the doormat.

cristal subtilement. Dash.com. The Doves et Jetstream à CNX, l'émission la plus geek de la radio. C'est la fin de la première heure. On a entendu 4 capsules des petites mythologies de Martin Bertrand. Jusqu'à maintenant, il nous en reste donc 4. Les mots de Javel, Noël, et pour la première fois à la radio, on va entendre La viande hachée et La pilule du bonheur. C'est dans la deuxième heure de CNX, spéciale petite mythologie. Assez fou dans vos oreilles. Restez là! Slash dot com. Retour, c'est la deuxième heure de CNX, l'émission la plus geek de la radio. Et cette semaine, CNX compile les petites mythologies de Martin Bertrand, série 2. Et pour ceux qui ne savent pas encore, c'est quoi les petites mythologies qu'on diffuse assez fou et à CNX en particulier depuis quand même assez longtemps. Je vous en parle ici. Chaque semaine, et sur le même mode que les mythologies de Roland Barthes en 1957, sont présentées des capsules sur différents produits de la culture de masse qui opèrent comme symbole, voire icône de la société contemporaine. On a entendu jusqu'à maintenant dans la série 2 le iPod nanochromatique, Second Life, Homme cherche femme et la presse People. Il nous en reste 4. Commençons par les mots de Javel tout à l'heure. Mais avant ça, voici Royal Arch et Buisson Ardent. C'est fou ça! Sorti de là. La pièce Buisson Ardent de Royal Arch. À CNX, émission la plus geek de la radio, c'est spécial Les Petites Mythologies de Martin Bertrand et continuons avec celle sur les mots de Javel. Et voici maintenant une capsule de la série Petites Mythologies, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Les mots de Javel. Ceux qui ont lu le 1984 de George Orwell se rappelleront sans doute du novlangue, sorte de dialecte élaboré par les tenants de Big Brother afin d'appauvrir le langage et ainsi contrôler les esprits. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu ce livre, courez à la bibliothèque, il s'agit d'une urgence. Cette création du pouvoir en place visait alors à éliminer du langage les idées jugées subversives et ainsi rendre impossible la rébellion. Il s'agissait sans doute d'une des armes les plus efficaces de Big Brother, qui, en maîtrisant le langage, maîtrisait aussi les idées et, de cette manière, les esprits. Sans aller aussi loin dans mon analyse, je reprocherais le langage édulcoré que constitue le novlangue d'un phénomène que l'on vit dans le monde contemporain, c'est-à-dire le politiquement correct. Ainsi, tout un pan du langage essaie de laver plus blanc que blanc et, de fait, se javelise afin d'épurer la réalité à la manière de Tartuffe qui s'exclamait « Comment couvrir ce sein que je ne saurais voir? Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. » Si vous avez suivi la controverse qui a succédé au Bye Bye 2008, vous conviendrez sans doute que, dans notre monde contemporain, on est muselé par une bienséance obligée et qu'on a vite fait de dépasser la limite imposée par la rectitude politique. Étrangement, cette obsession de ne jamais heurter personne m'étonne toujours, car, chaque fois, on joue d'ingéniosité pour euphémiser davantage la réalité et la perdre dans l'édulcoration. Par ce processus, on tente de rendre une réalité jugée, à tort ou à raison, trop crue, plus acceptable, par le détour des mots. Les exemples foisonnent. On n'a qu'à penser aux sourds devenus malentendants, devenus personnes malentendantes. À quand la personne en déficit d'audition? Comme si le fait de changer un titre allait, à la manière d'une intervention divine, rendre un peu d'ouïe à ceux qui n'en ont pas. En ce sens, justement, la rectitude politique insiste depuis peu sur le fait que ceux qui souffrent d'un handicap sont des personnes. Une personne handicapée, une personne non-voyante, savourez ici la litote, une personne malentendante, pêchant ici par l'absurde puisqu'il s'agit d'une évidence. On ne prendrait jamais le temps de noter qu'une personne serait une personne étudiante ou une personne médecin. Mais t'avis ici qu'en voulant banaliser par le langage, on produit exactement le contraire et l'attention se focalise entièrement sur le handicap. Reste à se demander pourquoi, depuis quelques années, on en vient à tenter d'adoucir à ce point la réalité. À ce titre, cette volonté pourrait aller de pair avec l'obsession de la sécurité qui s'est emparée de la société contemporaine. On aurait pu croire qu'avec les avancées technologiques et les découvertes de la science, les citoyens se sentiraient de plus en plus en sécurité dans un monde prévisible et malléable. Mais pourtant, c'est le contraire qui se produit. Les gens sont de plus en plus mal à l'aise face à la réalité et tentent de la fuir par tous les moyens. On voit ici plusieurs se réfugier dans le virtuel, par exemple dans World of Warcraft ou dans Second Life. Ou alors tenter de modeler la réalité pour la rendre plus acceptable. Or, l'être humain est un être de langage et a accès au réel par son truchement. Si son langage devient plus complaisant, c'est sa vision de la réalité qui se fait davantage bénigne, avec comme résultat que sa crainte s'affaisse, mais au détriment de l'authenticité. Le langage expose la représentation que se fait l'homme du monde. Il est dommage de voir que l'on doit passer par son euphémisation, car cela montre que l'homme contemporain vise à se soustraire à la réalité dès qu'il la trouve trop offensante. Pourtant, je ne crois pas que l'excès de complaisance dont fait preuve la rectitude politique montre une réelle bienveillance. Pour faire preuve de bienveillance, encore faut-il accepter la réalité telle qu'elle est. Je crois plutôt que la rectitude politique expose l'homme contemporain comme un hypocrite, tout comme Tartuffe, feignant de ne pas pouvoir souffrir la vue d'un saint. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes ces balado-diffusions à Martin Bertrand sur le www.cif.ca dans la section balado-diffusion et que vous pouvez télécharger la balado-diffusion de CNX au complet sur le www.unechance.com. Il nous reste encore 3 capsules dans cette émission spéciale. Il nous reste Noël et pour la première fois à la radio, 2 nouvelles capsules, la viande hachée et la pilule du bonheur. Mais pour l'instant, je me fais plaisir. Voici Franz Ferdinand et What She Came For. Ah, c'est fou! We'll cause I feel gauche like it's a smutty joke, but with a laugh like that or a move like that, you make us all just go la la la la. Whoa, whoa, look out, you're what you came for, you're what you came for, no question, no doubt. Whoa, whoa, look out, you're what you came for, you're what you came for, no question, no doubt. Whoa, whoa, whoa, you're what you came for, whoa. I got a question for you, another question for you. Do you feel the, how do you feel the pressure? Why are you wearing what you're wearing? Where will your life be gone in 5 minutes? So say something stupid, you know that you love to. Whoa, whoa, look out, you're what you came for, you're what you came for.

cash.com. Vous êtes toujours à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Cette semaine, CNX compile les petites mythologies de Martin Bertrand, série 2. Jusqu'à maintenant, on a entendu le iPod nanochromatique, Second Life, Homme cherche femme, La Presse People, Les mots de Javel et Noël. Il nous en reste deux et ces deux-là n'ont jamais été entendus à la radio. Jamais, même pas une seule fois, même pas, pensez-y pas là. Il y avait La viande hachée et La pilule du bonheur. C'est celle-là que vous n'avez pas entendue à la radio. Et vous allez les entendre un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, voici The Lovely Feathers et In the Valley. Assez fou. Dans vos oreilles. À l'aube ou en

Jason Lytle, Yours Truly, The Commuter, la pièce titre de son album le plus récent. À CNX, compile les petites mythologies de Martin Bertrand, série 2. C'est la fin. Déjà, on a entendu les 8 capsules de la série 2, mais il y a aussi la série 1. Elle existe toujours. Allez voir le cif.ca pour télécharger les balados de diffusion de ces chroniques-là. Il y a le cellulaire, l'appareil photo jetable, le Red Bull, la télé-réalité, le Purel, le hockey, les films d'action, Paris Hilton. Dans la série 2, il y a le iPod, Second Life, Homme cherche femme, La Presse People, Les mots de Javel, Noël, La viande hachée et Le bonheur en pilule. Ça en fait beaucoup, ça en fait 16 chroniques. Allez voir cif.ca pour les télécharger et allez voir le www.unechance.com pour en savoir plus sur cette chronique et pour télécharger la balado-diffusion de l'émission au complet et puis voir les liens mentionnés pendant toutes mes émissions que je fais. Et je vous retrouve très bientôt à CNX, diffusé ici même à C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Passez une excellente semaine et je remercie évidemment, comment ne pas remercier ces gens, ils sont célèbres et très gentils. Martin Bertrand au texte et à la voix de ses capsules des petites mythologies. Denis Janvier à la production sonore de l'émission au complet et de ses chroniques-là. Merci à tout le monde, à C'est fou. Merci à vous d'avoir écouté. Et à très bientôt. Au revoir. Dash.com. Slash.dash.slash.dash.com. Dash.com.